Praise Jesus. Amen. Amen. You are welcome in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. The Bible said the Lord is the same yesterday, today, and forever. Die Bibel sagt, der Herr ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. La Bible dit que l'Éternel est hier, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. In Genesis 2, verse 18 to the end. In 1. Mose 2. Dans Genèse 2. Let us go with this. On va lire. Wir lesen 1. Mose 2. On va lire Genèse 2. Praise the Lord. Genesis 2, from 18 to the end. 1. Mose 2, Vers 18 bis Ende. Genèse 2, verset 18 jusqu'à la fin. Praise the Lord. Alleluia. And the Lord God said, it is not good that the man should be alone. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. That the man should be alone. So also is telling you and me that it is not good that you live alone. Der Herr sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Und genauso sagt der Herr zu uns, dass es nicht gut ist, wenn wir alleine sind. Ici l'Éternel dit que c'est pas bien. Que c'est pas bon, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et c'est tout comme aujourd'hui, il te dit aussi à toi et moi que c'est pas bien que tu restes seul. We thank him that we are never alone. Amen. Wir danken ihm, dass wir niemals alleine sind. Et on lui remercie que nous sommes jamais seuls. Amen. Amen. And this will help you to know that, you know, I mean, marriage, it was fun to have your mate. It's, you know, it's coming from him. Und das not hilft, from you, not from anywhere. Das hilft uns zu erkennen, dass ob wir einen Ehepartner haben, dass es alles von ihm kommt und nicht von irgendwoher. Et ça, ça va nous aider à comprendre que si on a un mari ou une femme, ça vient de lui-même et pas de toi. He said that we make him an help meet for him. Verse 19. Verset 19. And out of the ground, the Lord God formed every beast of the field and every fowl of the air and brought them unto Adam. Praise the Lord. Amen. He formed everything and brought them unto Adam. Er hat alles geformt und alles Adam dargebracht. Ici on voit que l'Éternel a tout formé et puis il a donné ça après avoir formé les trucs. Why are we reading here? Because the Lord helped me to understand how he always gave me his message to preach. Und wir lesen das, damit wir verstehen, dass der Herr, also der Herr hilft mir, da, hat mir dadurch geholfen, zu verstehen zu geben, wie er quasi mir eine Predigt darbringt. Et pourquoi on lit ça? C'est parce que l'Éternel m'a aidé à comprendre à travers ça, comment il m'aide à comprendre les messages qu'il me donne. He brings message, but he never brings topic. I don't know if you understand. Er bringt die Botschaft, aber er bringt nie das Thema der Botschaft. Quand il me donne les messages, il me donne un message, mais il me donne pas un sujet, un thème. And you always tell me, you give it the topic. Und er sagt mir ständig, dass ich das Thema auswählen soll. I don't know if you Et quand il me donne un sujet, il me dit que, quand il me donne un message, il me dit que c'est à moi de choisir le sujet. He never give me topic. He always bring messages. But he will always tell me, you give it the topic. Der Herr and that is why for me to give the topic is even more difficult. It's more easier for me to get the message than to give the topic. Der Herr gibt mir immer die Botschaft, aber nie das Thema. Deswegen ist es für mich einfacher, die Botschaft nachzuvollziehen, aber ein Thema auszusuchen ist für mich schwieriger. L'Éternel me donne toujours un message et c'est pour cela quelquefois c'est un peu difficile pour moi de dire de donner un sujet parce que I hope you are. Parce qu'il me dit de nommer le sujet. Look at it again. Regardez ça encore. Verse 19. Verset 19. And out of the ground the Lord God formed every beast of the field and every fowl of the air and brought them unto Adam to see what he would call them. And whatsoever Adam called every living creature, that was the name thereof. I don't know if you are getting something here. Mm-hmm. Amen. Amen. Then in verse 20, and Adam gave names to the to all cattle, and to the fowl of the air, and to every beast of the field. But for Adam there was not found an helpmeet for him. Miss Anima is not your mate. Das bedeutet, das Tier ist nicht dein Gefährte oder dein Gehilfe. Ici, on voit en lui qu'il avait nommé tous les animaux, mais il n'a pas trouvé un ami. Et ici, ça se voit qu'un animal n'est pas ton ami. You know, some we say they don't have one, but they have a dog. Ein Animal. Viele Leute sagen, sie haben keinen Partner, aber sie haben dafür ein Haustier, einen Hund oder eine Katze. Il a dit que il ne trouva point d'aide semblable à lui. Et il y a beaucoup de gens qui vont dire que moi j'ai un chien, j'ai un chat, ce sont mes amis. Praise the Lord. Hallelujah. Then in verse 21, and the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept. And he took one of his ribs and closed up the flesh instead thereof. Verse 22. And the rib which the Lord God had taken from man made he a woman and brought her unto the man. Verse 22. And Adam called this, said, this is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman. That, you know, woman. For a woman to be called woman is coming from Adam, not from God. Dass die Frau Frau hieß, wurde von kam von Adam. Also Adam hat die Frau Frau genannt und nicht Gott. Et puis on voit ici que Dieu a fait dormir Adam et il a produit de ses côtes la femme. Et Adam dit que voici cette fois. Celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appelle femme. Et tu vois que le nom de la femme, ça ne vient pas de Dieu pour la femme. C'est Adam qui a donné la femme, le nom de la femme. It said, because she was taken out of man. Verse 24. Verset 24. There's a place we will go to again. Amen. Mm-hmm. Before 24, look at verse 27 of Genesis 1. Schauen uns 1. Mose 1, Vers 27 einmal an, bevor wir weiterlesen. Avant de continuer, on va lire... 1. Mose 1, Vers 27. Genèse 1, verset 27. So God created man in his own image. In the image of God. Created he, male and female. Created he them. Are you getting it? He created... them in one. I hope you are getting it. In male and female in one. It did not say man and woman, but male and female. There's a difference between male and female and man and woman. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau schuf er sie. Er schuf sie als Mann und Frau. Also es gibt einen Unterschied zwischen männlich und weiblich und Mann und Frau. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et tu dois comprendre qu'il y a une différence entre l'homme et la femme et masculin et féminin. Praise the Lord. You know, that of a woman, you can see a woman, it means husband and wife. Amen? Male or female, man with children. I hope you can get it. Amen? With family. Yes, okay. Can you? Yeah. They don't understand it. But that's not where we are going to. I don't want to preach that today. If not, we will not get to this place. Praise the Lord. But you know, male and female, this woman is come. They said, look at it, because she was taken out of man. Zurück zu 1. Mose 2. That is Genesis 2:23. Maintenant, on va retourner à Genèse 2, verset 22, 23, pardon. Et l'homme dit, voici cette foi, celle, ou voilà. Ok, non, pas attends. Amen. Then in verse 27, look at verse 27 of Genesis 1. It says, so God created man in his own image. In the image of God, created he him, male and female, created he them. Ok, maintenant, Moïse 1, verset, Genèse 1, verset 27. Okay. Praise the Lord. Amen. But let us leave them. We go there maybe on Wednesday. Amen? Amen. We'll talk about that. But because there are things I want you to really get today. Then in verse 24, it said, therefore shall a man leave his father and his mother and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. 1. Mose 2, Vers 24. Maintenant, Genèse 2, verset 24. Maintenant, Genèse 2, verset 24. Are you getting it? Verse 24 is talking about husband and wife. Vers 24, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Es geht um Ehemann und Ehefrau. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une chair, une seule chair. Là, il parle de l'homme et sa femme. And in Genesis 1:27, we're talking about the whole family. Und in 1. Mose 1, Vers 24 geht es um Mann und Frau, also 27, genau, geht es um Mann und Frau, sorry. Et dans Genèse 1, 27, il s'agit de toute la famille, en fait. Praise the Lord. Then if you go back, let's go back to Genesis 2, verse 25 this time. And they were both naked. You know, when Papa mentioned naked today, concerning both at the beginning, you understand me, husband and wife, or all people. Amen. And they were both naked, the man and the wife, and we are not ashamed. Praise the Lord. Amen. You know, what I've tried to bring out here, especially, is he gave me message. But the topic, he always tell me to put it. Are you getting it? Just like he create, after creating things, he bring them to Adam to call them their name. Mm-hmm. Also der Herr gibt mir eine Botschaft und offenbart mir diese Botschaft und gibt mir quasi die Freiheit, das Thema auszusuchen. Genauso wie er alles erschaffen hat bei der Erstehung der Welt und alles Adam dargebracht hat. Mm. Donc l'Éternel, il me donne un message et puis me dit de nommer le sujet. Et il le fait ça tout comme il a fait à Adam. Il a créé les animaux et puis il a dit à Adam de nommer le nom de des animaux et de bon, la femme aussi. Praise the Lord. Amen. You know, his message is always is pour like a tap water. When it's coming, it's always... It's like Jesus talked about a living water. That is pouring, but once it comes to that topic, the name to give it, it takes me more time to even think of it, because I have to go through. I say, well, which name will really fit best? Because I hope you are getting what I'm saying. Mm-hmm. Die Botschaft, die der Herr mir offenbart, kommt manchmal so raus wie fließendes Wasser. Es kommt sehr viel raus. Und es ist einfach für mich, die nachzuvollziehen. Aber manchmal brauche ich sogar viel länger, um mir ein Thema auszusuchen für die Botschaft. Le message que l'Éternel me donne, ça vient comme de l'eau qui coule de la fontaine. Donc ça coule seulement. Et moi, je les reçois. Et c'est pour moi, c'est facile pour moi même de vous le dire. Mais quand il me dit de nommer un sujet, c'est vraiment très difficile parce qu'il ne me le donne pas. Il me laisse le choix. Praise the Lord. Knowing and understanding the kingdom of Christ. That's what I call also this message. Amen. Because there are a lot of things here that you want us to get. Amen. Und ich nenne diese Botschaft hier kennen und verstehen des Königreich Gottes, denn es gibt vieles, was der Herr uns verstehen lassen möchte. Et ce message, je l'appelle aussi connaître et comprendre le royaume des cieux, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses que l'Éternel veut qu'on puisse comprendre. It's the continuation of what we have been preaching for some time now. Amen. Es ist die Fortsetzung unserer Thematik der letzten Wochen. Ça c'est ça, c'est ça, Donc, c'est genre, on continue le message qu'on avait écouté récemment. In 1 Corinthians 2:9. Let us go there, please. Wir lesen 1. Korinther 2, Vers 9. 1 Corinthians 2:9. 1. Korinther 2, Vers 9. 1 Corinthiens 2, Verset 9. Are we there, please? It said, but as it is written, I have not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man, the things which God hath prepared for them that love him. Amen. Praise the Lord. Amen. Sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Ici on voit que comme 1 Corinthiens 2, 9, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montrées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ses qu'il aime. Praise the Lord. You know, to have what the Lord wants us to have. He just said it. He said, I have not seen it. What he prepared for his family, for his children. Are you getting it? No eyes have seen it, no ear have heard it. What he prepared for us. Das, was der Herr für uns vorbereitet hat, hat noch kein Auge gesehen. Donc c'est que l'Éternel a préparé pour nous, aucun œil l'a vu, aucun oreille l'a entendu. You know, that way, the road, the way, to, you know, to get it, to have it, to that the manifestation now come out. It might be so difficult. It might be so long. It might be so hard. It might be so painful. Und der Weg bis dahin, sich diese Sache offenbart hat, mag vielleicht schwierig sein und schmerzhaft sein. Oder lange dauern. Le chemin pour y arriver à ce que lui il t'a promis ou bien il a préparé pour toi, ça peut être vraiment douloureux, ça peut faire mal, ça peut prendre beaucoup de temps et oui. Praise the Lord. You know, because whatever he wants you to have, he wants it to be done in his own way. Denn das, was der Herr für dich haben möchte oder geplant hat, möchte er auf seine Weise, dass du es bekommst. Parce que tout ce que l'Éternel a planifié pour toi, il veut que tu puisses l'avoir selon sa propre manière. For example, the first church. If you look at the first church, if you go to Genesis 13, let us go to Genesis 13. Wir schauen uns die erste Gemeinde an in 1. Mose 13. Par exemple, la première église, on va le lire ensemble. Jean 1, 13. Genesis 13. 1. Mose 13. Genèse 13. C'est la première église. On va praise le lire là. The Lord. Verse 17. Genèse 13, verset 17. Exodus 13, Vers 17 and 18. 2. Mose 13, Vers 17 bis 18. Exode 13, verset 17 à 18. And it came to pass, when Pharaoh had left the people to go, that God led them not through the way of the land of the Philistines, although that was near. You see that? For God said, lest peradventure the people repent when they see war, and they return to Egypt. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Then I verse 18 said, but God led the people about through the way of the wilderness of the Red Sea. And the children of Israel went up, harnessed out of the land of Egypt. Praise the Lord. Hallelujah. There was another way, more easier, more faster. But the Lord did not take them through that way. Es gab einen einfacheren und schnelleren Weg für das Volk Israel, aber der Herr hat sie nicht durch diesen Weg geführt. Ici, on voit qu'il y avait un chemin qui était plus court, qui était plus facile pour le peuple d'Israël, mais l'Éternel n'a pas laissé qu'ils puissent prendre ce chemin. He led them through the longer way. Er führte sie durch den längeren Weg. Il les a laissé partir à travers un chemin plus lent. The Lord have the motive. He have his own motive. His own motive why he led them through the longer way. Und der Herr hat seine eigenen Gründe, sein Motiv, weswegen er sie den längeren Weg hat laufen lassen. Mais on doit comprendre que l'Éternel il a ses propres raisons laquelle il a permis qu'ils puissent partir parcourir un chemin plus long. He said because of repentance, so that they will not return back to Egypt. Er sagt wegen der Reue, damit sie nicht zurück zu Ägypten laufen. Et puis il a dit, l'Éternel a dit que sa raison c'était pour qu'ils puissent avoir la repentance. Il voulait leur donner le temps pour se repentir, pour ne pas retourner en Égypte. Are you getting it? Then look at verse 17 again of this Exodus 13. Nochmal Vers 17. Vers 17. The big part of it. He said, for the middle, please. No, you know where I am now. For God said, are you there? Mm-hmm. Lest peradventure the Verse people 17. Repent mm-hmm. when they see war and they return to Egypt. Mm-hmm. Are you getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Going back to Egypt. Dass sie zurück nach Ägypten gehen und umkehren. Et on voit que l'Éternel ne veut pas qu'il puisse... il a dit à verset 17, le peuple pourra se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Donc il voulait éviter qu'il puisse retourner en Égypte. Amen. Mm-hmm. You know, man and religion, we even want to say, okay. You know, if you look at this place, it's as if God... How will I put it? If, for example, you and me, you know that you spend years in university. And we spend years in this ministry. Look at how many we are. And sometimes it's as if it's Satan that is fighting. Not knowing that it's God that is working. I mean, I hope you get what I'm saying. Wenn man sich zum Beispiel unsere Gemeinde anschaut und schaut, wie nach so vielen Jahren immer noch so eine geringe Anzahl an Menschen hier ist, würde man vielleicht denken, dass der Teufel einen bekämpft. Aber nicht, dass der Herr vielleicht einen in diese Situation haben möchte, in der man gerade ist. Quelquefois, on se voit à l'église et on dit que tu vois ta situation, tu te dis, je suis, il y a 10 ans que je suis à l'église, rien n'a changé, il y a 10 ans que je suis en train d'étudier ou bien de travailler, il n'y a rien qui change, sans savoir que quelquefois, c'est l'Éternel qui veut que tu puisses, que ton chemin puisse prendre beaucoup de temps parce qu'il voit quelque chose qui veut te protéger. Or you want to buy, you know, you are praying for a million, you are praying for a husband, you are believing Christ for everything. Mm-hmm. And nothing is working, it's as if nothing is working. You'll be thinking that it's Satan that is holding it. Mm-hmm. Not knowing that it's God himself mm-hmm. that is even against it. Mm-hmm. Because he has his own motive. Oder du bittest dem Herrn um einen Ehemann und einen Partner oder um eine bestimmte Summe an Geld und glaubst, dass du vielleicht angefochten wirst und du Kämpfe hast vom Teufel, obwohl es eigentlich der Herr ist, der dich gerade bewahren möchte vor einer Sache und deswegen du die Sache noch nicht hast. Et quelquefois, on est dans notre propre situation, on se dit que ça prend beaucoup du temps et tu penses que c'est le diable qui est en train de te combattre, qui est en train de, oui, d'essayer de t'arracher ce que l'Éternel a pour toi. Mais tu ne sais pas que c'est l'Éternel qui ne veut pas que tu puisses l'avoir encore. C'est l'Éternel qui est en train de faire, de pousser que tu puisses avoir un peu encore de temps parce qu'il veut que tu puisses te repentir ou bien il veut t'apprendre quelque chose. Et toi, tu n'es pas conscient. Ou bien même te protéger et tu n'es même pas conscient. Praise the Lord. Alléluia. You know, a lot of time, you know, what things are not working for us. They are not working fast. For his people, for you and me, for example, we spend years in doing things, in praying for this or that. You are not getting it. Mm-hmm. And also the ministry, how slow it's going. Mm-hmm. And you know, you don't even know the reason. Mm-hmm. Amen. Amen. A living church is the Lord that brings people to, Amen. To, Amen. To the living church. Amen. A religious church is people that bring people. Amen. And that's why what they preach what the people will accept, that will help them to stay. Man wundert sich vielleicht, warum in einer lebendigen Gemeinde so wenig Leute hier sind, aber der Herr bringt die Menschen in eine lebendige Gemeinde und in religiösen Gemeinden sind es die Menschen in die Gemeinde reinlocken. Et quelquefois, on se dit, bon, cette église, depuis qu'on a commencé, il y a que nos trois personnes qui sont ici, ou on est en train de se lamenter, on voit pas que ça est en train d'évoluer, mais on comprend pas que c'est l'Éternel, il veut une quantité, quelquefois une qualité. C'est l'Éternel qui ne veut, c'est lui qui emmène les gens dans l'église, dans une église vivante. C'est pas les gens qui s'emmènent eux-mêmes. Besides, you know, we read in Matthew 15, where he said, if my father did not bring them, they will not stay. They cannot even stay. Yeah. Das Wort sagt auch, dass, also Jesus hat auch gesagt, wenn mein Vater sie nicht herbringt, dann können sie gar nicht bestehen. L'Éternel a dit lui-même que si c'est pas mon père qui les a emmenés ici, ils ne sont même pas capables à rester ici. Amen. Amen. In religious churches, you know, people bring people. And you know, for them to be able to stay, they have to be preaching what they like or what they want, what you know, what will not offend them. But in a living church, the message is provocation. In einer religiösen Gemeinde fight the flesh. Führen die Menschen andere Menschen in die Gemeinde herein, indem sie das predigen, was sie gerne hören möchten oder das, was ihnen gefällt und das, was ihren Ohren gut erscheinen oder gut hören lässt. Aber in einer lebendigen Gemeinde wirst du vielleicht Predigen hören, die vielleicht dein Fleisch ein Anstoß sein könnten, Dinge, die dich provozieren werden. Donc par exemple dans une église religieuse, ils sont en train de prêcher ce que les gens veulent écouter, mais dans une école vivante il prêche ce que l'Éternel veut que les gens puissent écouter. You know, the Lord knows how to protect his own. Und der Herr weiß, wie seine eigenen beschützt. L'Éternel sait comment protéger les siens. He knows the heart of his own people. Er kennt das Herz seiner eigenen Menschen. Il connaît le cœur de ses propres personnes. Look at verse 17 again. Here talks about protection. Schauen uns doch mal Vers 17 an. On regarde encore verset 17. Amen. Amen. He is protecting them from returning to Egypt. Amen. In Vers 17 spricht der Herr über Schutz. Er beschützt das Volk Israel, damit sie nicht zurück zu Ägypten laufen. In verset 17, il est en train de parler, il parle concernant la protection. Il a dit que il est en train de prendre, ça prend beaucoup de temps pour les protéger, pour qu'ils ne puissent plus retourner à Égypte. Well, you know what? I'll be praying. Reveal this to me. Speak this to me. You know, I want somebody that I want to marry. I want to know him. I want to do that. I want to. You know, you are not getting. You know, he protects you. Your salvation is so important to him. Amen. Und du betest zum Herrn. Offenbare mir das. Ich möchte das. Herr, schenk mir das. Und du, dir ist gar nicht klar, dass der Herr dich eigentlich beschützt und deine Errettung schützen möchte. Quelquefois, on se dit que oui, mais l'Éternel, tu m'avais déjà révélé quelqu'un, tu veux que je puisse me marier, ou bien révèle-moi la personne que je veux marier, ou bien aide-moi à finir mon étude, ou bien des histoires comme ça, pourquoi ça ne marche pas, mais tu ne te rends pas compte qu'il s'agit qu'il est en train de te protéger, c'est son temps, ce n'est pas le tien, parce qu'il te protège. Somebody get something here. If you look at it again, say, when they see war, you know that there's going to be war on along the way. Praise the Lord. Der Herr sagt, wenn es Kämpfe vor sich sehen würde, das heißt, der Herr weiß, dass Kämpfe kommen werden. Parce que l'Éternel dit que il a dit ici à verset 17, il a dit que lorsque il y aura le peuple pourra se repentir avant en voyant la guerre. Donc en voyant la guerre, peut-être tu vas te dire que bon, ce chemin c'est trop dur pour moi, je rentre où est-ce que j'étais. Et il veut te protéger de ça pour ne pas t'effrayer quand tu vas voir la guerre, par exemple. Somebody get it. Mm-hmm. Praise the Lord. Donc, il a fait exprès que le peuple israélien puisse voir la guerre afin qu'ils ne font pas demi-tour et retournent en Égypte. Amen. Okay. He's protecting his people. Amen. Er schützt seine Kinder. Though that journey might be so long. Auch wenn der Weg sehr lang erscheint. Donc il protège ses enfants même si le voyage est trop lent. That journey may be so painful. auch wenn der Weg sehr schmerzhaft ist. Shameful, shameful. Und vielleicht sehr shameful to the flesh. Vielleicht you know that. Sehr viel Scham erregt fürs Fleisch. Et ton chemin peut être vraiment douloureux pour la chair. Tu peux te dire que c'est vraiment difficile, mais peut-être c'est vraiment ça qui... Oui. Somebody getting it. Amen. Et aussi honteux pour la chair aussi. A lot of things will happen, but for him it's his protection against that salvation. Amen. So important to him. Mm-hmm. Viele Dinge können passieren, aber für den Herrn ist es wichtig, dass seine Errettung geschützt ist. Mm-hmm. En fait, l'Éternel veut seulement protéger ton salut. Et il va le protéger à tout prix, même si ça prend beaucoup de temps jusqu'à ce que tu arrives là où il veut t'emmener, mais il va te protéger à cause de ton salut. You can see why you know he value your salvation so much. Er wertschätzt deine Errettung. Bitte spiel nicht damit. Et c'est pour cela que tu vois qu'il a vraiment été en train de valoriser ton salut et ne joue pas avec ton salut. Amen. You know, people fast and pray to get it. It's very fast and easy. And you know, they fast and pray. Menschen fasten und beten, damit sie die Sachen schnell bekommen. Und es geht um ihre Wege, die Art und Weise, dass sie es schnell behalten, aber nicht darum, wie Gott es haben möchte und auf Gottes Wege zu erhalten. Les gens sont en train de faire des jeûnes, des prières, de prier, hein, et ils ne dorment pas seulement pour prier, pour avoir, obtenir ce qu'ils ont en train de, ce qu'ils veulent. Mais l'Éternel, pour lui, il s'agit de ce que lui veut pour toi. Et pas ce que toi tu veux pour toi-même. Amen. Amen. Et 2 Peter 2:9. Wir schauen uns 2. Petrus 2, Vers 9 an. On va lire 2 Pierre 2:9. The Lord knoweth how to deliver the godly out of the temptation. Are you getting something? Mm-hmm. And to reserve the unjust unto the day of judgment to be punished. Mm. He know how to deliver the godly. He know how to deliver us. He know how to protect us. It can be painful to us. Der Herr weiß, wie er uns erretten kann aus der Versuchung, wie er uns schützen kann, obwohl es schmerzhaft erscheint. L'Éternel lui sait comment nous protéger, même si ça peut être douloureux pour nous. Amen. Amen. Then he said, in the big part of it, of that very place, he said, verse 9, mm-hmm. And to reserve the unjust unto the day of judgment, mm-hmm. to be punished. Mm-hmm. He reserved them. Mm-hmm. Die Ungerechten aber zur Bestrafung aufzubewahren für den Tag des Berichts. Das heißt, er bewahrt sie auf. Ici, il a dit, le Seigneur s'est délivré l'épreuve des hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour de jugement. Donc, il est en train de les réserver pour les punir. You know, people like Pharaoh. Menschen wie der Pharao beispielsweise. Les gens comme le Pharao, par exemple. Amen. Praise the Lord. You know, somebody like Eve. Menschen wie Eva beispielsweise. I don't know if time will permit us to go there. In Genesis 3. Amen. Amen. It was already in her heart, to disobey God. Mm-hmm. We'll go there if time permit us. Amen. Ja, Eva hatte es beispielsweise bereits in ihrem Herzen, dass sie dem Herrn ungehorsam sein möchte. Ou bien les gens comme Eve. Yves, par exemple, c'était déjà dans son cœur l'envie de désobéir Dieu. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. He had to see us returning back to Egypt. Er hasst es zu sehen, wie wir zurück zu Ägypten umkehren. Il déteste de voir comment on rentre en Égypte. Allow it to be bye-bye to the world. Lass zu, dass du wirklich ein für alle Mal der Welt auf Wiedersehen sagst. Nee, auf nimmer Wiedersehen sagst. Tu dois permettre à te verabschieden. à dire au monde au revoir. Non, pas au revoir. Adieu. Au revoir. Au revoir, merci. Dann au revoir, es. Au revoir, es. Auf Wiedersehen. Adieu, es. À jamais. À jamais. Yeah. Praise the Lord. Hallelujah. In 2 Peter 2, 2, 2, 2, 2. 2 Peter 2, 22. Okay. 2. Petrus 2, 22. Schauen wir uns Vers 22 an. 2 Pierre 2, 22. Amen. He said, it is happened unto them, according to the true proverb. The dog is turned to his own vomit again. And the soul that was washed to her wallowing in the mire. Praise the Lord. Hallelujah. He had to see us going back to Egypt. Er hasst es, wenn wir uns wieder zurück zu Ägypten wenden. Il leur est arrivé, ce qui dit en proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavait ses vôtres dans le bourbier. Auf jeden Fall, il déteste nous voir retourner dans le mal qu'on faisait avant. Mm-hmm. Praise the Lord. He does not want any of us to miss his invisible heaven. Er möchte nicht, dass irgendeiner von uns sein unsichtbares Himmelreich verpasst. Il veut pas que un de nous puisse pas considérer son, le ciel invisible. Bien raté. Amen. Le ciel invisible. And that's why it is so good for us to know and understand how Christ Jesus was able to make it. Deswegen ist es wichtig für uns zu verstehen, wie der Herr Jesus Christus es bis zum Ende geschafft hat. Et c'est pour cela c'est vraiment important pour nous de comprendre et de voir et de comprendre comment l'Éternel Jésus-Christ a été capable à tenir bon jusqu'à la fin. He did not fall like Adam. Er ist, als er hier auf der Erde gewandelt ist, nicht gefallen, so wie Adam. Jésus-Christ a résisté jusqu'à la fin. Il n'est pas tombé comme Adam. Praise the Lord. Amen. Let us learn how Christ Jesus was able to make it to the end. Amen. Lasst uns lernen, wie der Herr Jesus Christus es geschafft hat, hier auf Erden bis zum Ende durchzuhalten. On doit vraiment apprendre à comprendre comment l'Éternel Jésus-Christ a résisté jusqu'à la fin pour ici dans ce monde. John 13, verse 25 said he is our example. Johannes 13, Vers 24 sagt, dass er unser Vorbild ist. Jean nous dit, dans Jean 23, ça nous dit que Jésus-Christ, il est notre exemple. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. He was able to make it because he walked by his Father. Und er war in der Lage, es just bis like zum he Ende, wants us to walk by him. Er war in der Lage, es bis zum Ende durchzuführen, weil er nur seinen Vater gesehen hat. Il était capable de résister parce qu'il avait vu que son père. Et tout comme il veut que nous aussi on lui voit et qu'on puisse résister. Und genauso möchte er, dass wir nur ihn sehen, damit wir es bis zum Ende durchstehen. Praise the Lord. Hallelujah. He walked by the Spirit and not by sight. Er ist im Geiste gewandelt und nicht nach dem Fleisch. Il marchait à travers la foi et pas à travers la chair. He walked by who he is. Er ist so danach gewandelt, wie er auch wirklich im who Geiste he ist. Who is in the Spirit. Im Geiste und donc, nicht im Fleisch. Amen. Il marchait à travers son identité en Christ, en esprit, et pas son identité charnelle. Just like he told me years ago, he said, whoever asks me any question, I should never say who I am in the flesh. That I should say who I am in the spirit. Amen. Genauso wie er mir vor Jahren gesagt hat, dass wenn irgendjemand mir eine Frage stellt, dass ich nach dem Geist antworten soll und nicht nach dem Fleisch. Et tout comme il m'avait dit des années passées que quand quelqu'un me pose une question, je dois répondre selon mon identité en esprit et pas mon identité charnelle. In the spirit, he was his father. And just like in the spirit, we are his. Amen. Im Geiste war er sein Vater und genauso sind wir im Geiste Jesus Christus. En esprit, Jésus-Christ était son père, tout comme nous aujourd'hui, en esprit, nous sommes Jésus-Christ. Amen. Amen. You know, when you are telling people that Christ Jesus is God, they cannot get it. It's so difficult because it is not only difficult, it is impossible to understand the things of the kingdom of heaven. Deswegen ist es so schwierig für Menschen zu verstehen, dass Jesus Christus Gott ist. Denn es ist nicht nur schwierig, sondern unmöglich, die geistlichen Sachen mit dem menschlichen Verstand zu verstehen. C'est pour cela que c'est vraiment difficile pour les gens de ce monde et de comprendre que Jésus-Christ est Dieu. Et c'est pas seulement impossible, c'est vraiment impossible parce que eux, ils sont pas capables de comprendre les histoires spirituelles. And that's why I know when Jesus was about to leave, he said, you know, in John 16. He said, we need the power of the Holy Spirit to believe him, to know him, to understand him. Without the spirit of truth, revealing the truth. He said, if I say it now, you cannot get it. Are you getting it? Deswegen sagt Jesus in Johannes 16, dass wir die Kraft des Heiligen Geistes brauchen, damit er uns Verständnis gibt. Denn ohne den Heiligen Geist werden wir nicht in der Lage sein, das alles zu verstehen. Et c'est pour cela, il nous dit, dans Jean, il nous dit que c'est vraiment important qu'on puisse... avoir la puissance du Saint-Esprit, parce que sans la puissance du Saint-Esprit, on n'est même pas capable de comprendre le royaume des cieux ou bien ce que lui veut nous apprendre. We are not outside, we are inside. Wir sind nicht außerhalb, sondern innerhalb, im Geiste. Mm-hmm. Nous, par exemple, nous ne sommes pas à l'extérieur, mais nous sommes à l'intérieur, dans l'esprit. No man is outside, but inside. Kein Mensch ist außerhalb, sondern innerhalb. Il y a personne qui est... à l'extérieur, toute personne est, chaque personne est à l'intérieur. Is either Christ or Satan? Und du bist entweder innerhalb von Christus oder innerhalb vom Teufel. Mais le problème est que tu es à l'intérieur ou de Jésus-Christ ou à l'intérieur du diable. And that's why man is spirit. He has a soul, but he lives in a body. Deswegen ist der Mensch. The real man is spirit. Der Mensch, der wahrhaftige Mensch, ist Geist. Er hat eine Seele. Und besitzt einen Körper, ob du errettet bist oder nicht. Et c'est pour cela, chaque être humain, il est esprit, il a une âme et vit dans un corps. Une âme et vit dans un corps, peu importe si tu as ton salut ou pas. Jesus was able to make it, because he never walked with five senses. Amen. Jesus war in der Lage, bis zum Ende durchzuhalten, weil er niemals von den fünf Sinnen geleitet war. Jésus-Christ a été capable à résister jusqu'à la fin parce que il n'a jamais marché à travers les cinq sens. He never walked with what people say. Er ist niemals anhand dessen gewandelt, was die Leute gesagt haben. Il n'a jamais marché à travers ce que il n'a jamais considéré ce que les gens pensent de lui. He never walked with a mere marché of my situation. Er ist niemals mit Scham in Bezug auf seine Situation gewandelt. Il n'a jamais marché à travers la honte de sa situation actuelle. He never walked with what would people think about me. Und er hat nie darüber nachgedacht, was Menschen über ihn denken würden. Il n'a jamais considéré ce que les gens pourraient penser de lui. He never walked by the system of this world. Amen. Er ist nie nach dem System dieser Welt gewandelt. Il n'a jamais considéré le système de ce monde. How to make it to the end with Christ Jesus? Wie man es bis zum Ende mit Jesus Christus durchhält. Comment résister jusqu'à la fin avec Jésus-Christ? How to achieve what Christ called victory? Wie man das, was der Herr Jesus Christus als Sieg nennt, erreicht. Comment on peut atteindre ce que Jésus-Christ appelle victoire? How to become what he wants us to become? Wie man das wird, was der Herr möchte, was du wirst. Comment devenir ce que l'Éternel veut que tu puisses être? Praise the Lord. Alléluia. How we will never miss the kingdom of heaven. Wie wir niemals das Königreich Gottes verpassen können. Comment on peut jamais rater le royaume des cieux? Amen. Amen. How to be sober and be vigilant. Nüchtern zu sein, um wachsam zu sein. Et comment être vigilant? Amen. How to be in order. in Ordnung, in, ja, in Ordnung in, zu wandeln. In what he called order, not what this word called order. In seiner Ordnung zu wandeln, nicht was andere als Ordnung bezeichnen. Comment être en ordre, donc dans sa propre ordre, dans sa propre définition de l'ordre, et pas ce que l'être humain appelle ici ordre. How to be disciplined. Diszipliniert zu what sein. What you call discipline. And not what this word called discipline. Was er diszipliniert nennt. Und nicht, was die Religion oder was Menschen diszipliniert nennen. Comment être discipliné? Oui, selon lui, selon sa propre définition de la discipline et pas selon la définition de la discipline de ce monde. And how to be, you know what they call dignity. Und dignity. Die what he called dignity and not what man and religion called dignity. Würde zu bewahren, die et Würde von Christus und nicht das, was die Menschen als Würde bezeichnen. Et comment être digne? Pas ce que l'être humain appelle digne, mais ce que Jésus-Christ lui-même il appelle digne. How to be holy and righteous. Heilig zu sein und gerecht zu sein. In his kingdom. In seinem Königreich. Et comment être saint. Saint dans son royaume. Amen. Et juste dans son royaume aussi. All this are not by what we do, but what he did for us. All das ist nicht darauf gegründet, was wir tun, sondern was er bereits für uns getan hat. Et tout ce qu'on a cité. Galatians 2:20. Et tout ce qu'on a cité, ça vient à travers ce que lui il a fait pour nous, pas ce que nous on a fait pour lui. On va le lire à Galates. Galates 2, vers 20. Galates 2, verset 20. Galatians 2:20. He said, I am crucified with Christ. Amen. Amen. Nevertheless, I live. Yet not I. Are you getting something here? Amen. But Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. Amen. Mm-hmm. Praise the Lord. Amen, amen. Amen. Amen. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Praise the Lord. Alléluia. You know, in Nigeria, I don't know about other country. You know, in Nigeria, once you are married, you are not married to that man, you are married to the family. In Nigeria ist es beispielsweise so, und vielleicht auch in anderen Ländern, dass wenn du einen Ehemann oder eine Ehefrau heiratest, dass du gleichzeitig auch die Familie mit heiratest und mit der Familie verheiratet bist. En Nigeria, je sais pas si chez vous, ici dans d'autres pays aussi, mais c'est comme ça en Nigeria que si tu maries un homme, tu es marié aussi à toute sa famille et pas seulement à lui-même. It's like, you know, I know it's, that is of the flesh. Are you getting it? It's not of Christ. Amen. Das ist ein fleischliches Prinzip. You can see how it is. It's like this centurion man taking that of the flesh and seeing it in the spirit. You can see it how it is. Though we know we are married to Jesus and we are married to one another. Und es ist zwar ein fleischliches Prinzip, aber man kann es auch beispielsweise darauf anwenden, dass wenn wir mit Christus verheiratet sind, sind wir gleichzeitig auch mit anderen Kindern Gottes verheiratet. Et je sais que c'est que j'ai, je viens, c'est charnel, mais dans le perspective spirituelle, on doit comprendre que quand tu es marié avec Jésus-Christ, tu es aussi marié avec sa propre famille, toute sa propre famille, et ce sont tous ses propres enfants. Praise the Lord. Amen. We are married to Christ Jesus. Wir sind mit Christus Jesus verheiratet. Nous sommes mariés avec Jésus-Christ. Male or female. Mann oder Frau. Homme ou femme. We are not homosexual. Wir sind nicht homosexuell. Nous sommes pas homosexuels. Amen. Amen. Homosexual have nothing to do with Christ Jesus. Homosexualität hat nichts mit Jesus Christus zu tun. L'homosexualité n'a rien à faire avec Jésus-Christ. Christ hates that evil. He hates it. Christus hasst das, hasst Homosexualität. Jésus-Christ, lui, il déteste l'homosexualité. Because of that act, he destroyed two cities, Sodom and Gomorrah. Und wegen dieser Sünde hat er Sodom und Gomorra zerstört. Et à cause de cet acte, lui, il a détruit Sodom et Gomorre, deux cités. Amen. Amen. I will quickly also explain the goodness of Christ Jesus and Satan missing it with his lies. Ich werde die Güte von Jesus Christus erklären und die Tatsache, dass der Teufel es mit seinen Lügen verpasst hat. Et je veux vous expliquer quelques vérités du royaume des cieux et le fait que le diable, lui, il a vraiment raté. In the spiritual world, there is no male, there is no female. In der geistlichen Welt gibt es kein männlich und weiblich. Dans le monde spirituel, il n'y a pas femme ni homme. Amen. No male spirit, no female spirit. Es gibt no old or even young spirit. Es gibt keinen männlichen Geist oder weiblichen Geist oder alten Geist oder jungen Geist. Geist ist Geist. Dans le royaume des cieux, il n'y a pas homme et femme. Il n'y a pas un esprit qui est plus âgé ou moins âgé. Dans le royaume des cieux, tous les esprits ont le même, ont la même âge. C'est bon. Amen. Ils sont le même. And that's why in Christ Jesus, there is no male, there is no female, according to the Bible, Galatians 3. Let's go there, please. Wir lesen Galater 3, Vers 24 to the end. Ist deep, ja, Digga. Vers 25 bis Ende. Amen. Galater 3, Vers 25. Amen. Amen. It says, wherefore the Lord was our schoolmaster to bring us unto Christ. Law was not, God did not give law so that you can obey it. He gave it so that you can, it can bring you back, it can bring you to Christ. The law is supposed to bring you to Christ and not for you to even obey it. Der Herr hat niemals das Gesetz gebracht, damit du das Gesetz erfüllst, sondern das Gesetz ist da, damit es dich zurück zu Jesus Christus bringt. La foi, Galates 3, 25, la foi étant venue, nous ne soumet plus sous ce pédagogue. En fait, on doit comprendre que la loi n'est pas venue pour qu'on puisse l'accomplir. Elle est venue nous faire voir qu'on a, on a besoin à se soumettre à Jésus-Christ, que nous-mêmes, on est incapable de faire les histoires sans Jésus-Christ. Because the flesh can never obey the law. Denn das Fleisch kann niemals das Gesetz erfüllen oder vervollständigen. Parce que la chair n'est pas capable à accomplir la loi. Are you getting it? The flesh cannot obey the law because the law is spiritual. Put something here, go to Romans 6. Begin to Romans 6, Vers 14. Parce que la chair ne peut pas obéir l'esprit, parce que l'esprit est... c'est quelque chose de trop spirituel, en fait. On va le lire à Romains 6. Romains 6, verset 14. Romains 7, verset 14. Romains 7, verset 14. Romains 7, verset 14. Are you there, please? Mm-hmm. Amen. Amen. Susie, can you help us to read verse 14, chat? Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich, unter die Sünde verkauft. Praise the Lord. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, venu au péché. Amen. He said, for we know that the law is spiritual, but I am carnal. Man is flesh and blood. Flesh and blood can never solve anything spiritual. Der Mensch ist fleischlich und das Gesetz ist geistlich, deswegen kann das Fleisch das Gesetz niemals erfüllen. L'être humain est charnel, la loi est spirituelle et c'est pour cela l'être humain ne peut jamais accomplir la loi. Man is flesh and blood. Man is flesh, but the spirit law is spiritual. And man, that is why man cannot obey, cannot fulfill it. That's why Christ has to come. Christ is spirit. John 4 said, God is spirit. Christ is spirit. And it is spirit that can solve the spirit. Amen. The spiritual problem. Amen. Amen. Und deswegen war es wichtig, dass Jesus kommt, denn Jesus ist Geist und Jesus ist derjenige, der in der Lage war, es zu erfüllen. Und in Johannes 4 lesen wir, dass Gott Geist ist und Jesus Christus ist Geist. Et c'est pour cela si on voit que vu que l'être humain est charnel et la loi est spirituelle et l'être humain ne peut pas accomplir la loi vu que la loi est spirituelle, Jésus-Christ a dû venir pour accomplir la loi, pour nous aider à accomplir oui, la loi, pour l'accomplir pour nous en fait. Amen. Zurück zu Galater 3 25 24. Galater 3, 24. He said, wherefore the law was our schoolmaster to bring us unto Christ. The law was not for you to obey, but to bring you to surrender to Christ so that you can be saved. Amen. You submit to Christ so that you are saved. Amen. If you are saved, you see Christ, darkness will run away from you. Amen. Amen. So ist also das Gesetz unser Lehrmeister geworden. Not you running away from darkness will run away from you. Amen. Auf Christus hin. Das heißt, das Gesetz ist gekommen, um dich auf Christus hinzuweisen und damit du zu Christus zurückkommst. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fusions justice justifiée par la foi. Donc, quand la loi est là pour, comme ça, tu vas comprendre que tu n'es pas capable à l'accomplir et regarder Jésus-Christ. Donc, la loi t'emmène encore près de Jésus-Christ parce que ça te fait montrer que tu es incapable de faire quelque chose sans Jésus-Christ. That's why it's called grace. Deswegen, das ist Gnade, Gnade von Jesus Christus. Et c'est pour cela qu'on dit qu'on parle de la grâce de Jésus Christ. It is not based on what you do, but who you believe. Denn es geht nicht darum, was du tust, sondern wem du glaubst. Parce que dans la grâce de Jésus Christ, il ne s'agit pas de ce que toi tu fais, mais il s'agit de qui tu crois. Et ça, c'est la foi. He said that we may be justified by faith. Verse 24, the last sentence. Amen. Encore verset 24, afin que nous fusions justifiés par la foi. Sorry. Amen. Praise the Lord. Alleluia. He fulfilled the law. All the laws. He fulfilled the laws. So that you not believe him. You don't fulfill it. You believe him. You see him. The light is on. The darkness wrong. Amen. It's not used. You don't clean before you come to him. You come to him as you are. And once the light is on, darkness will be. Amen, amen. Christus hat das gesamte Gesetz erfüllt, sodass du nicht mehr das Gesetz erfüllen musst, sondern du glaubst ihm, dass er es bereits erfüllt hat. Und er als das Licht wird dafür sorgen, dass die Dunkelheit weichen muss. Amen, amen. Jésus-Christ, il a déjà tout accompli, il a accompli toute la loi. Et c'est pour cela, toi, ton seul travail, c'est de venir vers lui comme tu es, sale comme tu es, et de lui croire, de croire en lui. Parce que toi, tu n'es pas capable, vu que tu es charnel, tu n'es pas capable à accomplir la loi. Et lui, vu qu'il a déjà fait ça, dès que tu crois en lui, lui, il est la lumière, il va détruire l'obscurité dans ta vie. Il doit le faire, parce que tu crois en lui, et il l'a déjà accompli. You know, that's why I know grace does not lead us to sin. Grace helps us to live a holy life. Amen. Because grace is light. Once you come to light, it takes away darkness. Amen, amen. Gnade führt uns nicht zur Sünde, sondern Gnade führt dazu, dass wir ein heiliges Leben führen. Denn Gnade ist Licht. Und deswegen können wir nur im Licht wandeln und nicht in der Dunkelheit. Et c'est pour cela que la grâce nous emmène pas au péché. La grâce, ça nous emmène à mener une vie sainte. Parce que la grâce, c'est la sainteté et la vérité de Jésus-Christ. Donc quand tu vas, c'est la lumière en fait. Et dès que tu le vois, le péché n'a pas accès. Yes. You know. If you are under grace, you know, people always want to be under grace and live evil life. If you are under grace, you cannot live evil life. Amen. You understand? Because if you are under grace, you are under light. Mm-hmm. And darkness and light cannot work together. Amen. Menschen wollen unter der Gnade leben, aber dennoch ihr sündhaftes Leben weiter fortführen. Aber das ist nicht möglich. Unter der Gnade lebst du im Licht und Licht und Dunkelheit können nicht zusammenwandeln. Il y a des gens qui disent qu'ils ont de la grâce de l'Éternel, ils veulent avoir cette grâce et continuer à vivre leur vie avec tous les péchés qu'ils ont. Mais c'est impossible parce que à travers la grâce, tu dois vivre une vie sainte. Ça vient par soi-même. C'est la sainteté soi-même parce que la lumière et l'obscurité ne peuvent pas marcher ensemble. Et c'est pour cela, dès que tu vis dans la grâce, tu es la lumière. Tout est en accord avec sa parole. Are you getting it? And that's why those that labor not to lie, not to steal, not to fornicate, not to do all these things, they are not under grace. Are you getting it? If you are under grace, the light is on, it takes away darkness. It's automatic. Deswegen sind all die Menschen, die sich das so anstrengen, dass sie nicht lügen, nicht stehlen, all die Menschen, die versuchen, mit ihrer eigenen Kraft dieser Sünde zu entfliehen, diese Menschen sind nicht unter der Gnade. Denn die Gnade wird dazu führen, dass du dich ausruhen kannst in dem Licht. Amen. Et c'est pour cela toute chaque personne qui veut accomplir ou bien avoir la paix ou bien être en train de faire des jeûnes de prière pour avoir la paix en Jésus-Christ, ils les font avec leur propre force. Et c'est pas vivre sous la grâce, parce que quand tu vis sous la grâce, ça t'emmène à un repos spirituel. Donc tu te reposes parce que l'Éternel le fait déjà à travers toi directement. Donc tu n'as pas besoin de lutter ou bien de te forcer à ne pas mentir, quelque chose comme ça. Parce que la grâce, ça accomplit ça déjà directement, sans un effort, parce que c'est l'Éternel qui le fait. Under grace means you see Christ. Amen. You see the finished work of Christ. Mm. And once you are seeing the finished work of Christ, the Holy Spirit is working. Amen. Then He free you from all those evil. Amen. You don't even remember them any longer. Amen. Unter der Gnade zu leben bedeutet, Christus zu sehen, Christus alleine zu sehen. Und der Heilige Geist wird dafür sorgen, dass du diese sündhaften Dinge überhaupt gar nicht mehr machen wirst. Das heißt, er wird dich davon befreien. Quand tu vis sous la grâce, c'est le Saint-Esprit qui est au contrôle. Il va, parce que quand tu vis sous la grâce, tu vois que Jésus-Christ, tes pensées sont vers Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, à travers le Saint-Esprit, va t'aider à te débarrasser de ce que tu n'es pas. Parce que tu as tes yeux vers lui. Donc c'est automatiquement en fait. Praise the Lord. Alléluia. Let us live under grace, please. Bitte lerne unter der Gnade zu wandeln. Unter der Gnade zu leben. Apprends à vivre sous la grâce. Amen. Amen. Under grace means you remember the finished work of Christ. Unter der Gnade leben bedeutet, sich an das vollkommene Werk von Jesus Christus erinnern. Das ist dein Erbe. Vivre sous la grâce, ça signifie que tu te rappelles à l'accomplissement de Jésus-Christ, parce que c'est ton héritage en fait. Amen. You embrace your inheritance. You embrace it. You accept it. You receive it. You allow you to be your inheritance and your inheritance to be you. Amen. And then, you know, whatever it is cannot stand. Du nimmst dein Erbe an, du akzeptierst dein Erbe und du bist eins mit deinem Erbe und nichts kann dir was anhaben und das ist Christus Jesus. Amen. Avoir la grâce de l'Éternel, ça signifie que tu acceptes son héritage, ça devient le tien. Verse 25, he said, but after that faith is come, we are no longer under a schoolmaster. Vers 25. Verset 25. Praise the Lord. Hallelujah. The old, it was about what you do. Mm-hmm. But the new, that is verse 25. It's after that faith is come. It's now about what Christ did for you. Mm-hmm. That you see, that you meditate on both day and night. Amen. That's how the light is on. Amen. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, das heißt, hier geht es nur noch um dieses vollkommene Werk von Jesus Christus. Früher ging es darum, die ganzen Dinge zu erzielen mit seinen eigenen Kräften. Aber jetzt schauen wir nur noch auf das vollkommene Werk von Jesus Christus. Amen. Et maintenant, on doit voir que, on voit seulement à verset 25, on voit aussi que la foi était devenue, nous ne sommes plus sous le pédagogue, donc il s'agit que de l'accomplissement de l'Éternel, de sa parole. Amen. Amen. Under law, you are a servant. Under grace, you are a son. Amen. Unter dem Gesetz bist du ein Diener, aber unter der Gnade bist du ein Sohn. Sous la loi, tu es un servant, mais sous la grâce, tu es un fils. Amen. Amen. Under grace, it means the Spirit of God The Holy Ghost is leading you. That's, you know, it's a dose. Is it not in John? In Romans 8, verse 14. Those that have been led by the Spirit, they are the sons of God. Amen. Are you getting it? In Römer 8, verse 14. In Römer 8, verse 14 lesen wir, dass die, die vom Geist geleitet sind, Söhne Gottes sind. Das bedeutet, unter der Gnade zu wandeln. Dans Romains, on lit que ceux qui sont guidés par l'Esprit de Dieu, ce sont ses fils. Et ça, ça signifie vivre sous la grâce. Under grace, you never fight one another. Under law, you fight. Mm. It's a tooth for a tooth. Mm. Under grace, you never fight one another. Mm. You know, the Bible, there's a place talk about my mother-in-law against daughter-in-law, father-in-law against son-in-law. Yeah. Yeah. You know why it's talking about grace and law? Mm. Under law, there's a war. But under grace, the light is on. Amen. The peace of the Lord is everywhere. Amen. Amen. Unter der Gnade gibt es keine Anfechtungen, es gibt keine Kämpfe untereinander. Unter dem Gesetz allerdings schon. Da heißt es Auge um Auge, Zahn um Zahn. Aber unter der Gnade ist Frieden, herrscht Frieden. Sous la grâce, il n'y a pas de problème. Sous la grâce, on se chamaille pas. Tu vas pas avoir un problème entre les enfants de Dieu. Mais sous la loi, les gens ont toujours des problèmes parce qu'ils se voient eux-mêmes et c'est leurs propres œuvres. You know, under grace, if somebody is even fighting you, you pray for that person. Mm-hmm. Amen. You will just, you will still love him. Because the love that you have for him is not based on what he do. Amen. But what, who you are. Amen. It's based on who you are. You are love. Amen. Because Amen. Christ is love. Amen. Amen. Unter der Gnade würdest That's du sogar für die Person beten, die dich die dich bekämpft. Weil die Liebe, die du für diese Person empfindest, nicht von dieser Person abhängig ist, sondern es ist die Liebe von Jesus Christus, die du für diese Person hast. En fait, sur la grâce, si tu as un problème avec quelqu'un, ça va même pas t'intéresser. Tu vas même prier pour la personne parce que l'amour que tu as envers cette personne, c'est pas basé sur ce que toi tu as fait ou bien ce que la personne a fait, mais c'est basé sur qui tu es. Et toi, tu es Jésus-Christ, et tu es amour. Et c'est pour cela que tu vas donner l'amour n'importe quelle chose une personne te fait ou bien si quelqu'un te fait de mal ou pas. You know, in 1 Corinthians, Paul said, why don't you take wrong instead of dragging one another to court? He's talking about grace. Mm-hmm. Amen. Amen. Why don't you embrace grace and see what they did to Christ upon all he still died for them? Mm-hmm. Then what can you not be? Mm-hmm. Are you getting it? Yeah. In 1. Korinther 8 sagt Paulus auch, warum gibst du einfach nicht nach? Ne? Und da spricht Paulus auch um die Gnade. Dass es die Gnade ist quasi, die dazu führt, dass du auch nachgibst. Mm. Parce que Paul dit aussi que quand vous avez un problème, pourquoi tu ne nachgibst, comment on peut dire, pourquoi tu ne décides pas de faire la paix, de laisser seulement tomber, que c'est bon, que tu ne discutes pas, tu continues pas à discuter, parce que c'est un produit qui vient de l'esprit, parce que quand tu es en esprit, tu ne veux même pas avoir raison. Tu ne veux même pas... tu ne veux pas avoir raison. Tu laisses. Praise the Lord. Alleluia. Verse 26. So for you all, the children of God by faith in Christ Jesus. Amen. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. Verse 27. Verse 27. For as many of you as have been baptized into Christ, have put on Christ. Verse 28. There is neither Jew nor Greek. There is neither bond nor free. There is neither male nor female. Mm. For you are all one in Christ Jesus. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. And if you be Christ, then are you Abraham's seed and heirs according to the promise. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Through Christ, we are back into the spiritual world. Durch Christus sind wir wieder zurück in der geistlichen Welt. C'est à travers Jésus-Christ que comme maintenant nous sommes revenus au monde spirituel. Amen. Yeah, there is no male or female. Wo es weder Mann noch Frau gibt, noch schwarz oder weiß. Là où il n'y a pas homme ou femme, also oui, ou noir ou blanc. Amen. There is no, I'm a Nigerian, I'm a Congolian, I'm a Ghana, no different, all the different tribe. Through Christ, we are one. We are one. We are one. Amen. Durch Christus gibt es keine Unterscheidung mehr Nationalitäten. Ich bin Deutsch, ich bin Nigerianer, ich bin Ghana, sondern wir sind alle eins in Christus Jesus. À travers Jésus-Christ, maintenant que il nous a ramené dans le monde spirituel, il n'y a même plus des tribus, il n'y a plus je suis congolaise ou bien nigérienne ou n'importe quoi. Tu es seulement Christ. We are not citizens of heaven. Nous sommes un. Wir sind nun Bürger des Königreich Gottes. Nous sommes un, maintenant nous sommes des citoyens du royaume des cieux. We all have one, you know, just one country, which is called heaven. Amen. Wir haben nur noch ein Land, und das ist das Himmelreich. On a maintenant seulement un seul pays, et ce pays, c'est le royaume des cieux. But in the physical world, there's male and female. Male and female. The physical world. Aber in der physischen Welt, in der fleischlichen Welt, gibt es noch die Unterscheidung zu Mann und Frau. Mais dans le monde physique, il y a toujours encore une différence entre être une femme ou bien un homme. In Genesis 1:27, we were there. He said he created he, male and female. Are you getting it? Mm-hmm. There is, you know, here there's male and female. But in heaven, there's no male or female. In the spiritual world, there's no male or female. In 1. Mose 1:27 haben wir gelesen, dass Gott Mann und Frau erschaffen hat. Hier in dieser physischen Welt gibt es die Unterscheidung zwischen Mann und Frau, aber in der geistigen Welt ist weder Frau noch Mann. Und Moïse dans Genèse on venait de lire que il y a une différence entre homme et femme, mais maintenant que à travers Jésus-Christ on a été retourné dans le royaume des cieux. Ici, dans notre monde spirituel, comme on venait de lire à Galates, il n'y a plus cette différence entre une femme ou un... Oui, et un homme. You know, Satan always take a little truth from the Lord. And, you know, I just add a lot of lies. Mm-hmm. That's how he does his things. Mm-hmm. Der Teufel nimmt immer eine kleine Wahrheit von Gott und fügt dann noch seine Lügen quasi mit hinzu. Das ist so, wie er arbeitet. Le diable, lui, à la base, il prend une vérité de Jésus-Christ et puis il rajoute ses propres mensonges et c'est comme ça, il est en train de confondre les enfants de Dieu. Amen. We go to that of Adam and Eve later. You know, it is like, you know, taking origin as something and then you now add a lot of fake and mix it together. Es ist, als ob du etwas Originales nimmst und dann noch irgendwelche Fälschungen mit hinein involvierst und das ein komplett anderes Produkt wird am Ende. Et c'est comme si tu as quelque chose qui est original et puis tu es en train de mixer ça avec des choses qui sont fausses, qui ne sont pas oui. Amen. Qui sont pas originales et oui, et puis tu veux donner ça aux gens. He will quote the Bible for you. Er wird die Bibel für dich sogar zitieren. Il est capable, le diable est capable de citer la Bible pour toi. He might even quote it right and correct. Und sogar richtig. It's not about his quoting it wrong or right. It is my quote it right or correct. But his motive is always evil. Yeah. Aber das Motiv, weswegen er die Bibel zitiert, ist immer bösartig. Il va reciter la Bible. Il va le réciter peut-être même correct, mais son motif, c'est toujours mauvais. Are you getting it? Remember the three wise men going to worship Jesus. Erinnert euch an die drei Weisen, die Jesus besucht haben. Matthew 2. Wir lesen Matthäus 2. Matthew 2. Matthew 2. Vers 1. Matthäus 2, ab 1. Amen. Now, when Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east of Jerusalem to saying, there is he that is born king of the Jews. For we have seen his star in the east and are come to worship him. Praise the Lord. Hallelujah. That is, you know, can you see the truth? They are coming to worship Christ. Die Weisen kommen, um Jesus anzubeten. Ils sont venus pour adorer Jésus. Amen. Yeah. Verse 3, when Herod the king had heard these things, he was troubled and all Jerusalem with him. And when he had gathered all the chief priests and scribes of the people together, he demanded of them where Christ should be born. Verse 5. And they said unto him, in Bethlehem of Judea, for thus it is written by the prophet. Verse 6. And thou Bethlehem, in the land of the Judah, art not the least among the princes of Judah. For out of thee shall come a governor that shall rule my people Israel. A governor. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Then Herod, verse 7, please listen. Verse 7. Then Herod, when he had privily called the wise men, inquired of them diligently what time the star appeared. And he sent them to Bethlehem and said, go and search diligently for the young child. And when you have found him, bring me word again, that I may come and worship him also. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. He said the same thing that the three wise men said. Mm-hmm. That they are looking for Jesus to worship. Mm-hmm. But the motive is always evil. König Herodes sagt genau dasselbe, was die drei Weisen gesagt haben. Sie haben gesagt, sie wollen Jesus anbeten. Und auch er sagt, dass er anbeten möchte. Aber sein Motiv ist bösartig. Es ist nicht dasselbe. Ici, comme on vient de lire, le roi Hérode, il a dit la même chose que les trois mages. Il a dit qu'il veut aussi adorer Jésus-Christ. Mais ils avaient des motifs différents. Praise the Lord. Parce que l'autre voulait vraiment l'adorer, l'autre voulait. Amen. Amen. There are a lot of things to learn here. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Here we help you to get a lot of things if we read it from, you know, him from 9. You know, you can see that here he spoke to the three wise men. He said, if you find him, bring a word to me, so that I will come and worship him. You know, dignity. You know, if you promise somebody something, you keep to it. Amen. What man, a religion we call dignity. You listen to Christ and not what man and religion are saying. Yeah. You might even have said yes. You change it to no, because the Lord said no. Und der natürliche Mensch würde quasi dein Wort als seine Würde erachten, weil in der Welt ist quasi viele Menschen quasi ihr Wort geben und sagen, das, was sie gesagt haben, dass sie das auch halten. Aber wir als Kinder Gottes, wir halten uns nicht an unser Wort, sondern wir halten uns an Christus Jesus, an das Wort Gottes und an seiner Wahrheit. Tu vas voir ici, comme ici, par exemple, ça nous fait voir la dignité, parce qu'un être humain va te dire que oui, je suis digne, parce que quand je dis quelque chose, je tiens à ma parole. Mais nous, les enfants de Dieu, on ne tient pas à notre parole, on tient à la parole de Jésus-Christ. Amen. Praise the Lord. Amen. From verse 9, let us quickly read some few places there. He said, when they had heard the king, they departed, and lo, the star, which they saw in the east, went before them, till it came and stood over where the young child was. Verse 10. When they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. Amen. Verse 11. And when they were come into the house, they saw the young child with Mary, his mother, and fell down and worshipped him. Did not worship Mary, but the baby. Mm-hmm. Amen. Do you see that? Mm-hmm. And when they had opened their treasures, they presented unto him gifts. Are you getting something? Mm. You never go to the king with empty hands. Amen. Amen. Amen. Gold, and frankincense and myrrh. Verse 12. And being warned of God in the dream that they should not return to Herod, they departed into their own country another way. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Are you getting something here? He warned them, don't return there. You hear the voice, you listen to the voice of God. Amen. The voice of Christ Jesus and not the voice of this or this evil king. Ja. Sie wurden gewarnt, nicht mehr zurückzukehren und zwar einen anderen Weg zu nehmen. Und deswegen hören wir auf die Stimme des Heiligen Geistes und nicht auf die Stimme von Menschen oder anderen Leuten. Ici on voit qu'ils ont été avertis de ne pas retourner et c'est pour cela c'est important d'écouter la voix du Saint-Esprit et pas la voix de l'être humain. Praise the Lord. Hallelujah. You know, you don't need to remind the Lord for anything. He knows the right thing. You know, if he's not speaking, he's still doing something. Amen. Du musst den Herrn nicht an irgendwas erinnern. Er macht genau das Richtige und er weiß, was er tut, auch und du musst ihn nicht erinnern. Tu ne dois pas toujours rappeler à l'Éternel ce qu'il doit faire ou bien ce qu'il ne doit pas faire. Il n'a pas à faire parce que lui fait toujours la bonne chose. You know, we forget things so easily. We forget things. And we think the Lord has forgotten us. Mm-hmm. He has forgotten. I have to remind. You know, look at it. If you look at it here, it says from verse 13. And when they were departed, behold, the angel of the Lord appeared to Joseph in a dream, saying, arise and take the young child and his mother and flee into Egypt and be thou there until I bring thee word. For Herod will seek the young child to destroy him. Mm. Praise the Lord. Amen. He said, be there. You know, if you don't hear his voice, then be there. Mm. Be there until you hear. Mm. Are you getting it? Amen. Und in Vers 13 lesen wir, dass der Engel des Herrn erschienen ist und Josef Anweisungen gegeben hat, dass sie quasi weiterziehen sollen. Und deswegen ist es wichtig, die Stimme vom Herrn zu hören. Und du bleibst so lange da, bis der Herr was gesagt hat. Und solange der Herr nichts gesagt hat, bist du da. Und bleibst auch da. En verset 13, il nous dit que l'ange de l'Éternel est venu vers Joseph pour lui dire que tu restes là jusqu'à ce que tu vas écouter quelque chose. Et pour cela, pour nous aujourd'hui aussi, c'est important de rester là où il nous dit de partir jusqu'à ce qu'il va nous donner une autre direction. Donc reste là et sois certain qu'il va te donner une autre direction, il va te parler. Don't be worried about what you have not said something. What is he going to say? Have you said something? You know, don't be worried about all those things. Amen. Amen. Your father never forgets you. Amen. You think how you forget everything. You forget your brilliance on your head and you are looking for it everywhere. You think that is how he is. Und oft denken wir, dass der Herr so vergesslich ist, wie die Menschen vergesslich sind und dass wir deswegen ihn an gewisse Dinge erinnern müssen. Aber du sollst dir keine Sorgen machen. Der Herr hat dich nicht vergessen. Amen. Und der Herr kennt dich und hat einen Plan für dich und du musst ihm vertrauen dabei. Amen. Quelquefois, on pense que l'Éternel est comme nous parce que vu que toi tu oublies tes histoires, tu sais pas où est-ce que tu as mis ton téléphone ou bien tes lunettes, quelque chose comme ça. Tu penses que l'Éternel va aussi t'oublier comme toi tu oublies tes propres choses, mais l'Éternel n'est pas comme ça. Il t'a toujours dans ses pensées. Ça signifie que s'il ne dit rien, reste là où il t'a dit d'être. You can see that the Lord knows how to protect his own. Amen. Der Herr weiß, wie er dich sorgen muss und wie er dich schützen muss. Et là, tu peux voir comment l'Éternel sait comment protéger les siens. He does not care if thousands died because of his Amen. Own. But his soul must be saved. Amen. You don't know him. Yeah. Praise the Lord. Amen. Amen. Huh. If we don't really understand it, we will never be in panic of anything or be afraid of anything. Wenn wir wirklich verstehen würden, wie sehr der Herr sich dich sorgt, würdest du dich niemals irgendwas sorgen oder niemals Panik schieben wegen irgendwas. Si tu comprends réellement comment l'Éternel t'aime ou comment il t'apprécie, tu vas jamais te soucier ou bien te faire des pensées. Praise the Lord. Amen. And you know, he arose, verse 14. And took the young child and his mother by night and departed. You know, he never questioned. He did not question. Let us learn never to question the Lord. Amen. Because it makes sense. You know, I go to Google and be checking everything. The Lord is not there. It's not in Google. Mm-hmm. You understand me? Mm-hmm. So don't go, you know, people want to, people always want to listen to outside, mm-hmm. to use it to follow Christ. You can never walk that way. Mm. Allow him to direct you. Amen. Und Josef, nachdem er diese Anweisung bekommen hat, sehen wir in Vers 14, dass er direkt agiert hat. Er hat niemals diese Worte in Frage gestellt, die er bekommen hat. Und auch so sollten wir auch lernen, diese Worte niemals in Frage zu stellen, die wir vom Herrn bekommen. Weil oft reagieren wir so, indem wir anfangen, im Internet nachzusuchen und zu schauen, was andere Leute sagen oder uns Rat zu holen von anderen Leuten. Aber bei Josef war es nicht der Fall. Und genauso sollten wir auch lernen, seiner Stimme zu folgen und diese zu vertrauen und nicht etwas in Frage zu stellen. Amen. En fait, c'est pour cela qu'on doit apprendre à faire confiance à l'Éternel et pas de, de lui questionner ou bien de se demander... Oui, hein? De mettre en question. Oui, ça. De mettre en question ce qu'il te dit parce que lui, il est vraiment fidèle et puis il veut seulement que tu puisses le faire confiance. Amen. Amen. I'm in Egypt. I don't know if I will like it. I don't know. You know what we like. How will it be? I will just go and be a Zealandian, a foreigner. Look at you listen to his voice. It is also for your security. He was you can see there are a lot of security here. The king was looking for Jesus to kill. Are you getting it? Und Josef hat sich nicht Fragen gestellt, okay, wie wird es in Ägypten sein? Was ist, wenn das Land blöd ist und wenn die Leute irgendwie komisch drauf sind? Und er hat all diese Fragen nicht gestellt, sondern er hat einfach gehorsam, ist er da hingegangen und hat quasi verstanden, dass der Herr das gesagt hat, um ihn auch zu beschützen. Denn es ist zu deinem eigenen Schutz, wenn der Herr dich irgendwo hinführt. Joseph, par exemple, on voit, Joseph n'a pas demandé, mais tu veux partir, éternel, tu veux qu'on puisse partir là-bas et faire comment, où est-ce qu'on va mettre, on va faire naître le fils et quelque chose comme ça. Il n'a pas demandé des questions, il n'a pas questionné, il a seulement fait confiance. Et quelquefois, c'est pour ta propre protection. Quand tu lui fais confiance, tu dois comprendre, c'est pour ta propre protection. Fais-le seulement ce qu'il te dit de faire. Praise the Lord. In verse 16, you see how that. How Herod's motive was so evil. Verse 16. Jennifer, can you help us to read verse 16? Verse 16. That he was not looking for the child to worship, but to kill. Look at it. Als sich nun Herodes von den Weisen betrogen sah, wurde er sehr zornig, sandte hin und ließ alle Knaben töten, die in Bethlehem und in seinem ganzen Gebiet waren, von 2 Jahren und darunter, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erforscht hatte. Are you getting it? Then Herod, when he saw that he was mocked of the wise men, was exceeding wroth, and sent forth and slew all the children that were in Bethlehem and in all the coast thereof, and for 2 years old, from 2 years old and under. According to the time which he had diligently inquired of the wise men. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Allow Christ to be your dignity. Hearing his voice and obeying his voice to be your dignity. Amen. Lass zu, dass Christus deine Würde ist, seine Stimme zu gehorchen und zu befolgen. Permet que l'Éternel soit ta dignité, de écouter sa voix et de suivre sa voix et d'agir ainsi. Then the next part is like knowing good and evil. Amen. Amen. God did not create Adam to know good and evil. Und der nächste Abschnitt ist, den Unterschied zwischen Gut und Böse zu kennen. Und Gott hat Adam nicht erschaffen, damit er den Unterschied zwischen Gut und Böse kennt. Une autre chose, je veux parler de comprendre, connaître la différence entre le mal et le bien. L'Éternel n'a pas créé Adam pour connaître le bien et le mal. He did not create Adam to know what is good and what is evil. He created Adam to know him. Er hat Adam nicht erschaffen, damit er weiß, was gut und was böse ist, sondern er hat Adam erschaffen, damit er ihn kennt. Il n'a pas créé Adam pour connaître des vérités. Il a seulement créé Adam pour lui connaître. C'est le seul but. He created Adam to know him and have relationship with him, and not to know what is good and evil. Amen. Er hat Adam erschaffen, damit er seinen Vater kennt und damit er Beziehung mit ihm hat und nicht, damit er Gut und Böse kennt. Dazu lesen wir 1. Mose 3. On va lire à Moïse 3, à Genèse 3, parce qu'on va voir que l'Éternel a créé Adam pour avoir une relation avec lui. Amen. Genèse 3. Genesis 3, verse 8 to 11. 1. Mose 3, Vers 8 bis 11. Verset 8 à 11. He said, and they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. You can see that a relationship, a fellowship with his people. Are you getting it? Wir sehen hier die Beziehung in Vers 8 zwischen den Herren. Ici, on voit la relation de l'Éternel avec ses enfants. Amen. And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. And the Lord God called unto Adam and said unto him, where art thou? And he said, I heard your voice in the garden, and I was afraid, because I was naked and I hid myself. Praise the Lord. Hallelujah. And he said, who told thee that thou wast naked? Hast thou eaten of the tree whereof I commanded thee that thou shouldest not eat? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. You know, Satan is expert in deceiving man. He's expert. Der Teufel ist sehr gerissen, wenn es darum geht, den Menschen in die Irre zu leiten. Le diable est vraiment un expert pour quand il s'agit de confondre les enfants de Dieu. Amen. And that's why, you know, anywhere, you know, before they study, where they just say, Jesus, I'm there. I'm just, you know, but you have to listen. That, you know, you said many will say in your name. You know, it's not in Christ. You know, Christ in Christ Jesus is not enough. You have to see the inside. Und es reicht nicht nur Jesus zu sagen, sondern du musst wirklich im Inneren, also wirklich Beziehung führen mit dem Herrn, weil der Herr selber gesagt, nicht jeder, der zu mir Herr, Herr sagt, wird es am Ende schaffen, im Himmelreich zu kommen. En fait, il ne s'agit pas seulement de dire oui, Jésus-Christ, ou bien de citer son nom, parce que lui-même, il a dit que pas chaque personne qui cite mon nom va, sera sauvée. Amen. Donc, il s'agit de l'intérieur, de croire en lui vraiment réellement. Amen. You know, Satan is so clever. He takes a little truth from God and then mixes it with his lies. Look at Genesis 2:5, verse 5. Look at what he said here. Look at what he did here. Wir schauen uns kurz 1. Mose 2, so clever. Vers 5 an. On va lire Genèse 2, verset 5. You know, no wonder Jesus said we have to be clever. We'll be wise like serpent. Amen. Look at it, verse 5. He said, for God doth know that in the day that you eat thereof, then your eyes shall be opened. And you shall be as God, 1. Mose 3, knowing good and evil. Are you getting it? You shall be as God is the truth. You understand me? Knowing good and evil is the truth. But you shall be as God was a lie. Can you see the two? Die Schlange sagt, sondern Gott weiß, an dem Tag, an dem ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und ihr werdet erkennen, dass Gut und Böse sind. Er nimmt also eine kleine Wahrheit von Gott und pflanzt seine Lügen auch mit dazu. Denn an dem Tag, dass ihr davon esst, werden eure Augen geöffnet. Das war die Wahrheit. Aber ihr werdet sein wie Gott. Das war die Lüge. En fait, Moïse, pardon, le dia, le serpent. A dit à Adam et Ève, il a dit que oui, l'Éternel veut que tu ne veux pas que vous puissiez manger ce fruit pour que vous ne puissiez pas connaître la vérité, la différence entre le bien et le mal. Ça, c'était la vérité. Mais il a continué, il a dit que pour, parce qu'il ne veut pas que vous puissiez être comme, comme lui, comme des dieux. Et ça, c'était un mensonge. Et c'est vraiment, on voit que c'est un exemple où il a pris la vérité et il a mélangé avec ses mensonges. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You can see it here. He said, let me say it again. He missed a little, he missed the truth with lies. He said, it is true. God did not create man to know good and evil. It is true. You understand me? Because he said, if you eat it, your eyes will be open and you will know good and evil. It is true that God hid that away from them. Mm-hmm. Are you getting it? Mm-hmm. It's a fact. The lie was there where, you know, the lie is that you will not be like God. They were already like God. Dass sie Gut und Böses erkennen werden und dass ihre Augen geöffnet werden, das war die Wahrheit. Denn Gott hatte das vorher vor Adam und Eva verborgen. Aber die Lüge, die er erzählt hat, war, dass sie sein werden wie Gott. Und das ist seine Strategie. Er nimmt die Wahrheit von Christus und vermischt sie gleichzeitig mit seinen Lügen. Donc il a encore une fois, je répète, il a mélangé la vérité et ses mensonges parce qu'il a dit que l'Éternel ne veut pas que vous puissiez être comme lui. Mais c'était faux parce qu'eux, ils étaient déjà comme des dieux. You know, that is how he's still working today. That's Satan. Und genauso arbeitet er heute immer noch. Et c'est comme ça qu'il travaille jusqu'à présent. He will tell you, if you do it this way, you will have it. Not knowing that, you will not know that you already have it. He will tell you how to have what you already have. Er wird dir weismachen, dass wenn du das und das machst, dann wirst du diese Sache bekommen. Aber er wird dich außer Acht lassen von der Tatsache, dass du die Sachen bereits in Christus hast. Il va te mentir, il va dire que si tu fais ceci, cela, tu vas obtenir ceci, cela sans te faire, sans que tu puisses te rappeler que tu l'as déjà. Non, par exemple, tout ce qui appartient à Jésus-Christ, on l'a. Par exemple, quand on dit que de l'argent, par exemple, il va nous dire que vu que tu es pauvre, tu peux faire ceci, cela pour obtenir de l'argent. Mais la parole de Dieu nous dit que vu qu'on a Jésus-Christ, nous sommes déjà riches. And that's why, no, that is his job today. If you do it this way, if you take this tablet, it will finish. It will do this. He will not put your faith on tablet. You know, it's not the tablet is good and not Christ is good. Und genau das ist seine Strategie. Er wird dich dazu führen, dass du gewisse Sachen tust oder gewisse Sachen einnimmst, sodass dein Fokus dann nicht mehr auf Christus ist und auf die Sachen, die du schon hast in Christus, sondern auf diese Dinge, die du tust oder die du nimmst. Beispielsweise eine Tablette, wenn du krank bist oder wenn du Schmerzen empfindest. Dein Fokus wird dann nur noch auf diese Tablette sein und nicht mehr auf deine Heilung, die schon in Christus Jesus drin ist. Tout comme il peut te dire que oui, si tu bois ce médicament, tu auras guéri, tu auras une bonne santé. Et là, ta concentration sera seulement vers le médicament et ta foi sera vers le médicament. Tu ne vas même plus dire que ah, Dieu est bon. Tu vas commencer à dire ah, ce médicament, c'est vraiment très bon. Malgré la vérité que tu as déjà une bonne santé. Il ne s'agit pas du médicament, il s'agit de Jésus-Christ, même si tu bois le médicament. Donc, il va commencer à te troubler en fait. And that's why in everything, remind yourself, learn to remember who you are in Christ. Mm-hmm. It's, the doctor is not your healer. Christ is your healer. Mm-hmm. If even you go there, mm-hmm. are you getting it? Mm-hmm. Because somebody can be fishing all through the night. There's no fish. Amen. But the word of the Lord mm-hmm. dropped the net. Amen. And it's now pulling the feet. It's the net and fish is everywhere. Mm-hmm. What made it different for between you and them is Christ Jesus. Amen. Deswegen lerne in jeder Situation und in jeder Lebenslage immer Christus zu sehen. Denn selbst wenn du zum Arzt gehst oder ins Krankenhaus gehst, dann gehst du nicht zu diesen Menschen, dann ist nicht der Doktor dein Heiler, sondern Christus ist dein Heiler. Zwei Menschen können fischen gehen und der andere fischt den ganzen Tag und nimmt nichts an. Und der andere fischt den ganzen Tag und nimmt was an mit Christus Jesus. Also Christus ist der Unterschied in jeder Lage oder in jeder Situation, in der wir uns befinden. En fait, on doit comprendre que Jésus-Christ est la seule différence de chaque situation où on se trouve. Parce que deux personnes peuvent partir faire de la pêche, mais il y a quelqu'un où l'Éternel va... Tu veux aller avec la pêche? Mais vous n'allez même pas avoir le même résultat parce que le résultat que toi tu as, c'est Jésus-Christ lui-même. Praise the Lord. Amen. He will come to you and tell you others are making it, others are having it. Amen. They also got children like you. Don't you see that they are having it? Why? You can see they have this, they have that, they have that. It is important to know what Christ called my true victory. Amen. That you will tell him that I have him, that is my true victory. Amen. Amen. Amen. Und es ist wichtig, dass wir als Kinder Gottes unseren wahren Sieg in Christus wirklich kennen. Denn der Teufel wird dir sagen, andere haben es auch. Andere Kinder Gottes haben es auch. Und wieso solltest du es nicht auch bekommen? Mach doch dies, mach doch das. Und deswegen ist es wichtig, dass wir erkennen, dass unser wahrhaftiger Sieg die Tatsache ist, dass wir Christus Jesus haben. Das ist unser Sieg. Amen. En fait, on doit comprendre qu'on doit avoir, on doit comprendre notre vérité, notre victoire dans l'Éternel, parce que le diable, il est rusé, il va venir vers toi, va te dire, mais eux, ils sont aussi des enfants de Dieu, ils ont ça, ils ont fini leurs études, ils sont mariés, ils ont une grande maison, mais toi, tu ne l'as pas, mais tu es aussi un enfant de Dieu, qu'est-ce qui ne marche pas bien avec toi? Mais toi, tu dois être vite à être en esprit, à dire que moi, j'ai Jésus-Christ, et c'est lui ma victoire. Quand tu comprends que c'est lui qui... Quand tu comprends que c'est lui qui est ta victoire, là, ça va même pas t'influencer. Amen. Amen. God created us to know him alone. Amen. Gott hat uns erschaffen, damit wir ihn und ihn alleine kennen. Jésus-Christ nous a créé pour lui connaître lui-même. And to have relationship with him alone. Und damit wir eine Beziehung mit ihm allein haben. Et pour qu'on puisse avoir une relation avec lui-même. And that is why it's all about Christ Jesus for us today. Und deswegen geht es nur um Jesus Christus für uns in allem. Et c'est pour cela qu'il s'agit que de Jésus Christ lui-même en tout. Praise the Lord. Alleluia. So we close here. We stop here because of the meeting we also have today. Amen. Amen. So that Wednesday we continue from here. Amen. Amen.